Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Seigneur, tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites même ces acclamations. Car tu en es digne. Tu en es digne. Te bénissons pour chaque jour durant lequel tu nous soutiens. Tu es celui qui a inspiré et initié ces programmes. Et chaque jour qui passe, nous voyons comment tu nous soutiens. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et merci pour ce que tu as décidé de faire ce soir. Atteins tes buts. Atteins tes objectifs. Fais-les comme toi et toi seul tu sais les faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ça fait du bien d'être dans une assemblée. On n'a pas besoin de supposer la présence de Dieu. Elle est palpable. Elle est visible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. D'un homme de Dieu qui était invité dans une église. Et il entre juste avant la prédication, la louange, l'adoration, mais tout était lourd. Alors il dit au Seigneur, Seigneur, c'est la première fois que j'arrive ici. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Mais l'atmosphère est tellement lourde. Toi qui as l'habitude de venir ici, dis-moi à quoi cela est dû. Et il entend le Seigneur lui dire, moi aussi c'est la première fois que j'arrive ici. J'en suis sûr à l'Arche Goma, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Ça fait du bien de l'adorer et de sentir sa présence. Sans plus tarder, je nous propose trois textes. Mais à cause de leur longueur, je vais simplement lire en français. Et vous lirez dans la langue que vous avez pour nous permettre d'économiser le temps. Surtout que j'avais à cœur qu'on prenne aussi suffisamment du temps à la fin pour la prière. Genèse 41, 14 à 16, et puis 37 à 39. Genèse 41. Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Versets 37 à 39. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et soulignez bien, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Lisons aussi le premier livre des Rois, au chapitre 10, assez longue lecture, mais nous allons quand même la faire. Du premier au neuvième verset. Et puis du verset 24 au verset 25. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. J'aime les versets 3. Salomon répondit à toutes ces questions. et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, les vêtements de ceux qui les servaient, et ses chansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, hors d'elle-même. Elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne les croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Versets 24 et 25. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Dernier passage, nous lisons Daniel au chapitre 5. Daniel et Suratano, andiko la mwisho. Et notre lecture va du verset 6 au verset 12. Sita hadi kumi na mbili. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Les rois cria avec force qu'on fût venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Il portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues et des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Et j'aime la confiance que cette femme avait en Daniel et dit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Je voudrais ce soir, dans la suite de ce que nous partageons depuis quelques temps, parlant du salut de Dieu qui doit se manifester, parler sur le thème Joseph, Salomon et Daniel, trois ambassadeurs de Dieu qui nous inspire. Joseph, Salomon et Daniel. Trois ambassadeurs de Dieu qui nous inspirent. Le message de ce soir vise trois objectifs principalement. Et chaque fois partant de la vie de ces trois exemples que j'ai mentionnés. Le premier objectif de ce message, c'est nous rappeler pour ceux qui le savent et nous informer pour ceux qui ne le savent pas. Le Dieu de la Bible attend que dans ce monde nous soyons ses ambassadeurs. Et j'ai aimé hier, juste avant la prédication, le pasteur Stone en parlant, il disait, le but de Dieu voulait que nous soyons son prolongement sur terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une nation ailleurs. Et on peut se faire une idée de sa nation par ce qu'il est, ce qu'il fait. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20, il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, s'exprimait par nous. Et en tant qu'ambassadeur, Dieu veut que nous le représentions sur terre. Sa nature, ses vertus. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9e, l'apôtre Pierre fait deux choses. Il rappelle aux croyants de son époque, mais aussi à nous aujourd'hui, d'abord, un, notre identité. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et après avoir rappelé l'identité, il rappelle les attentes de Dieu sur nous. Vous êtes ceci afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le terme vertu là veut dire l'excellence attachée à Dieu. Que l'excellence qui est attachée à Dieu, que le monde voie cela par vous. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions annoncer ses vertus. Deuxième objectif attaché à ce message. Toujours partant de la vie de ces trois personnages. Joseph, Yusuf, Salomon et Daniel. Nous rappeler une autre chose que Dieu attend de nous la foi individuellement. Mais aussi collectivement. Il attend que nous puissions exceller. Que nous puissions nous comporter d'une certaine manière qui soit au-dessus de la norme normale. Avoir et être quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et aussi par cette excellence, nous rendrons notre Dieu pesant aux yeux des autres. Déjà au sortir de l'Égypte, alors qu'ils étaient en route vers la terre promise, Moïse a fait cette prière dans Exode 33. Au verset 16, parla à Dieu. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Et j'aime ce qu'il dit. Ne sera-ce pas quand un, tu marcheras avec nous, et deux, il dit, quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Les termes distingués ici utilisés en hébreu veut dire mettre à part par des traits singuliers qui différencient, mais qui différencient par la supériorité. Ça veut dire aussi valoriser quelqu'un en lui donnant ce que d'autres n'ont pas. Et même ne peuvent pas avoir et qui les rend différents. Il dit, distingue-nous. Si Louis II dit, quand nous serons distingués, la version top dit, quand nous serons différents. Frères et sœurs, malgré notre humilité, que j'encourage à y travailler pour que ça reste, Dieu nous appelle à la supériorité et à l'excellence. Déjà quand il a appelé Israël, et Israël aujourd'hui, l'église est un peu un type d'Israël. Placez-moi Deutéronome chapitre 28. Au verset 1er, d'un côté, Dieu appelle à travailler son caractère pour respecter certaines choses attachées à la morale. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. 28 verset 1er. Et il a ajouté, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Deutéronome 28, hein, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est là notre appel. La version parole de vie dit, le Seigneur ton Dieu te placera très haut, au-dessus de toutes sortes de nations de la terre. Toujours parlant à Israël, Deutéronome 28, au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et je suis frappé par ce qui est dit après. Tu ne seras jamais en bas. Jamais en bas. Tu ne seras jamais en bas. Et puis il dit aussi, tu seras toujours. Remarquez, il n'a pas dit tu seras le plus souvent. Toujours. Tu seras toujours en haut. Lorsque tu obéiras au commandement que je t'ai prescrit. Lorsque tu les observeras. Et plus tard, par la bouche du prophète Esaïe, un passage important que je demande encore qu'on me place. Esaïe chapitre 2. Au verset 2e, le Seigneur parlant par Esaïe qui était ce prophète qui voyait des choses lointaines. Il était en train de lui montrer ce que sera l'église. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel qui part de l'église sera fondée sur les sommets des montagnes. Il y aura des montagnes, mais la montagne de l'église sera en haut. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. C'est ça notre appel. Que la montagne de l'église au travers de ses membres soit en haut. Troisième et dernier objectif de cet enseignement. C'est parlons de la vie de ces trois personnages. Joseph, Yusuf, Salomon et Daniel, nous montrer la nécessité de désirer d'avoir l'Esprit de Dieu comme dans l'Ancien Testament sur nous. Ou autrement être rempli de l'Esprit. Ou encore être oint. Dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, il y a deux relations que nous avons en rapport avec le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit en nous. Et l'Esprit Saint-Esprit en nous a trait à notre caractère. Ça nous amène à l'amour de Dieu, à la haine du péché, à la crainte du Dieu. Ça, c'est l'Esprit en nous. Il dit, je vous donnerai un autre cœur. Mais il y a un autre terme, l'Esprit sur nous. L'Esprit sur nous a affaire aux capacités. Quand l'Esprit est sur nous, il nous communique des capacités et des aptitudes surnaturelles. Placez-moi Juge chapitre 14. Au verset 6, parlant de Samson, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. D'autres versions disent, ce fut sur lui. Et sans avoir rien à la main, il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il est rendu capable de faire des choses hors norme à cause de l'esprit. Sans l'esprit sur lui, il n'aurait pas pu faire ça. Juges chapitre 15, au verset 14. Alors l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Il avait dit les cordes qu'il avait au bras des vers comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Et il semble que c'était des liens forts. Certains disent que ça pouvait aller entre 8 et 12 cm. Mais ça tombe comme du lin. Parce que l'esprit les saisit. Quand l'esprit vous saisit, il vous rend capable de faire des choses hors normes. Dans Samuel chapitre 10, au verset 6, le Seigneur fait une promesse à Saül qui va se concrétiser dans Samuel 10:10. J'aimerais qu'on lise les deux. Il est dit à Samuel dans Samuel 10 au verset 6 d'abord. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit va te saisir. Et les gens verront une transformation, une métanoïa. Alors allons-y maintenant au verset 10. Saül, qui n'avait pas la réputation d'être un prophète, lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Encore une fois, ces termes qui veulent montrer l'esprit sur nous, l'esprit les saisit. Et il prophétisa. De telle sorte que la Bible dit, les gens commençaient à se poser la question, Saül fait-il aussi partie des prophètes? Parce qu'on ne l'a jamais vu faire ça. David avait déjà des capacités. Il avait certaines aptitudes. Mais en Samuel chapitre 16, placez-moi ça aussi, au verset 13, parle du tournant de sa vie. L'homme de Dieu a été invité dans la maison d'Isaïe. Il a cherché l'homme, le roi pour mettre l'huile sur sa tête. Mais il ne trouvait personne. Et finalement, quand David arrive, l'Esprit lui dit, c'est lui, oins-le. Ma Bible m'a dit, Samuel plus prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. C'était seulement l'huile. Les gens n'ont vu que l'huile. Mais quelque chose s'est passé dans les lieux spirituels. L'Abbé dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Dans la vie de David, il y avait un avant et un après ce moment. Je prie que ce soir, l'Esprit saisisse quelqu'un. Je prie ce soir que l'Esprit saisisse quelqu'un. 2 Chroniques chapitre 20. Au verset 14, Juda est attaqué par trois nations. Le roi n'a pas de solution. Il ne sait comment répondre à ces défis. Placez-moi encore ce passage. Et il se place devant Dieu. Et dit, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse. Il atteint un niveau où il n'a pas de réponse. Dans ce moment, ma Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et si vous lisez la suite, Jacaziel donne toute la stratégie du combat. Avec des détails géographiques, vous n'irez pas comme ça, vous les attaquerez à tel endroit. Je prie que ce soir, l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un. Jésus-Christ, il était fils de Dieu à sa naissance. Mais durant plusieurs années, il était un stagiaire menuisier. Derrière son père nourricier, Joseph. Les gens là où ils ont grandi, car certains connaissaient les chaises qu'il avait eu à fabriquer. jusqu'à ce que la scène du baptême se passe. Quand il est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Écoutez ce que Luc 4, au verset 14, me dit. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit plusieurs quitteront cet endroit en ayant expérimenté Luc chapitre 4, verset 14. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le dernier jour où tu cesses d'être normal. Je viens parler comme un prophète. Aujourd'hui c'est l'inauguration des choses que tu n'as jamais vues avant. Ma Bible à moi dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Il était allé menuisier stagiaire, mais quand l'Esprit l'a saisi, quand il est rentré, il a commencé à faire des choses, et les gens commençaient à dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Au sortir de la réunion de ce soir, tu auras le même visage, la même taille, mais plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Car il est dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Il est revêtu et la Bible dit, sa renommée s'est répandue tout autour. J'aime ce que les Français courant dire. Jésus retournant en Galilée, plein de puissance du Saint-Esprit, on s'est mis à parler de lui dans toute cette région. Il y a des choses, quand Dieu les place en toi, on ne peut que parler de toi. Ils parleront de toi non pas parce qu'ils veulent, ils sont obligés. Parce que ce qui est en toi est fort. Et pour être ces ambassadeurs, en leur temps, pour se distinguer comme ils se sont distingués, Joseph, Salomon et Daniel, pour avoir la supériorité qu'ils ont eue, ils ont eu aussi besoin de l'Esprit de Dieu sur eux. Mais ce que j'aime, ils n'avaient pas simplement l'Esprit qui fait entrer en transe, l'Esprit qui fait parler en langue. Placez-moi Esaïe chapitre 11, au verset 2, un aspect de l'Esprit que les pentecôtistes nous négligeons. Nous avons seulement l'Esprit qui fait trembler, qui fait entrer en transe. Je bénis Dieu pour cet aspect, mais l'Esprit va au-delà de cela. Ma Bible a dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un, esprit de sagesse. Quand il est là, il donne la sagesse. Deux, esprit d'intelligence. Trois, esprit de conseil. On y ajoute la force, mais j'aime aussi esprit de connaissance. Seigneur, remplis quelqu'un ce soir d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'intelligence, d'un esprit de conseil et d'un esprit de connaissance. Ce soir, à la fin, quand on va prier, ne laisse pas les émotions te prendre. Si l'Esprit de Dieu va te saisir, tant mieux. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur va au-delà des émotions. Tu peux ne pas tomber, mais recevoir quelque chose de fort. Quelque chose de grand. Mon chungra Gestone, en 2008, je me retrouve dans une ville aux États-Unis, à côté de la ville de Chicago. Et ce matin-là, deux jeunes gens de 22 ans et 20 ans, ils viennent témoigner à la fin de leur témoignage. En général, quand je suis dépassé, mes exclamations montent dans une langue, le Kintandu. Une langue du Bas-Congo, une forme de Kikongo, là où j'ai étudié. Je me suis écrit, Mfumu Nzambu, tout ça, dit ça. Seigneur, aide-nous. Na nikaanza kusema Bwana tusaidie. Mais après j'ai dit Seigneur donne-moi ce genre de membres. Na kisa nikasema Bwana unipatie wana memba kama hao. Les jeunes gens de 22 ans et 20 ans. Vijana wawili wa miaka 22. Ils étaient à l'université en avant dernière année des études informatiques. Walikuwa kwenye university mwaka wa kutangulia wa mwisho wakisoma masomo ya computer. Ils étaient les responsables numéro 1 et numéro 2 de cette église d'assemblée de Dieu. Na walikuwa wao ndio wasimamizi wa kwanza na makamu wake wa ile kanisa. Et le pasteur me disait c'est trois jeunes gens, c'est deux jeunes gens plutôt. Na wale watu wawili. Ils passent le plus leur temps à trois endroits. Wanapitisha wakati wao kwa nafasi tatu. Soit ils sont à l'université à l'auditoire. Ama wako university kwenye masomo. Soit ils sont à la bibliothèque à l'université. Ama wako kwenye chumba cha vitabu. Et soit ils sont à la chaîne de prière à l'église. Ama wako kwenye chumba cha maombi kanisani. Les trois endroits. Na hilo ndio nafasi tatu ambapo wanapatikana. Et ces deux jeunes gens viennent témoigner. Na hao watu mbili wanakuja shuhudia. Ils disent il y a six mois. Wanasema kuna miezi sita. Nous étions à la chaîne de prière. Tulikuwa kwenye chumba cha maombi. Dieu nous a révélé ces logiciels. Na Mungu alitufunulia logiciels informatiques. Dieu nous a révélé cela. Et durant trois mois, partant de la base de la révélation, nous avons travaillé à la bibliothèque. Et nous sommes allés vendre cette logiciel à Microsoft. Il est logiciel quoi Microsoft. On l'a acheté ces jours-là. On leur a payé 20 millions de dollars, pas de francs. 20 millions de dollars. Et là, quand il témoignait, il disait à cause de ce que Dieu a fait, nous venons donner cette dîme de 2 millions de dollars. J'ai dit une colopé sans la bandimia boye. Anasema nakuja kupana hii moja ya 10 ya dola 1000 milioni 2. Nasema Mungu nipatie wa Kristo kama na hawa. Toi ton Saint-Esprit ne voit que des sorciers, il y a 8 sorciers qui sont ici. Roho Mtakatifu wako anaona katu wachao. Wako hapa kuna wachao wanane. Il y a 4 qui ont laissé la sorcellerie dans les arbres derrière. Kuna waina ambao waliacha uchawi nyuma ya. Donne-nous aussi l'esprit qui révèle des logiciels. Nipatie roho anayefunua logiciel. Donne-nous aussi un esprit de conseil. Un esprit de sagesse. Mais Dieu me l'a dit quand je préparais cet enseignement. Il va le faire ici ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un. Cette soirée, c'est le dernier jour où tu es normal. Tu ne te reconnaîtras pas. Et les gens ne te reconnaîtront pas. Et parmi ces choses qui ont fait la différence dans ces trois. Joseph, Salomon et Daniel. Na Daniele. C'est deux choses que l'esprit contient. Ni vitu mbili ambavyo roho anakuwa navyo. L'intelligence. Ni akili. Et la sagesse. Na hekima. Seigneur, donne à quelqu'un ce soir l'intelligence. Bwana mpatie jioni ya leo mtu akili. Et la sagesse. Na umpatie. Ce sont ces deux choses qui ont fait d'eux des ambassadeurs. Ni vitu hivi viwili vilivyokuwafanya wao kuwa mabalozi. Notez ces choses que l'Esprit de Dieu a placées dans mon cœur. Andikeni mambo haya ambayo roho ameweka moyoni. Attaché à l'intelligence et à la sagesse. Ambavyo vinambatana na akili na hekima. La première. Jambo la kwanza. Sagesse et intelligence. Hekima na akili. C'est Dieu qui en est la source. Ni Mungu ndiye chemchemo. Et il la donne à qui il veut. Na anayempatia. J'aimerais le répéter, c'est Dieu qui est la source de la sagesse, mais aussi de l'intelligence. Dans Exode chapitre 28, au verset 3, il est question de quelques personnes qui étaient habiles, qui avaient la capacité de faire certaines choses. Dieu informe à Moïse, il dit ce sont des gens à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et à cause de cela, ils feront les vêtements d'Aaron. Ils feront des choses palpables, mais sur base de ce que j'ai placé en eux. Ma grande question, c'est quand Dieu a placé en eux, ils ont senti que c'est entré. Ou ils ont découvert. Placez-moi Exode chapitre 31. Verset 3. Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bezalel, chez les rampes de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Seigneur, je lève ma main ce soir comme ton serviteur. Ce que tu as fait avec Bezalel, que tu le fasses pour quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un de l'Esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir faire pour toutes sortes d'ouvrages. Toujours Exode. Au chapitre 35, au verset 35, parlant d'un groupe de gens, il est dit, Dieu les a remplis d'intelligence. Et j'aime ce qui est dit, pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. L'esprit n'est pas pour chasser les démons, pas pour voir les sorciers, pour exécuter les ouvrages de sculpture. Ah bon? Ces statues-là qu'il fait, c'est l'esprit. Ces tableaux d'art-là qu'il fait, c'est l'esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, l'esprit peut faire ça aussi. Mais j'aime surtout la fin. Reprenez-moi ce passage merveilleux. J'aime surtout la fin. On parle des étoffes. Mais j'aime la fin. Pour faire toutes sortes d'espèces de travaux et d'invention. Je lève mes mains. Seigneur, il y a des choses qui n'ont jamais existé, mais par ton esprit, quelqu'un les fera exister. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être un copiste de faire ce que les autres ont fait. Que mon Dieu t'inspire des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que l'Esprit de Dieu rend capable de toutes sortes d'inventions. Nous l'avons lu. 1 Roi chapitre 4, verset 29. Les gens découvrent la sagesse chez Salomon. Ils se demandent d'où ça vient. Ma Bible à moi dit, Dieu donna à Salomon. 4:29. Dieu donna à Salomon de la sagesse. Et j'aime la suite. Une très grande intelligence. J'aime ce que ma Bible ajoute. Des connaissances multipliées. Je lève encore la main ce soir. Donne à quelqu'un la sagesse. Et des connaissances multipliées. On les lit. Mais on passe rapidement. Vous savez que Salomon était un savant. Savez-vous que Salomon a écrit des encyclopédies? Parce que la Bible dit qu'il a parlé sur les reptiles. Il a parlé sur les poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, j'en ai assez de l'esprit simplement qui fait entrer en transe. Surtout les sœurs, quand l'esprit les saisit, ils commencent à dans une église, une sœur depuis qu'elle avait commencé, un pasteur dit à Lingala, Nzamba kumi na likukuma. Sasa mchungaji anamwambia ndani ya Lingala, Mungu anaanza kugugumisa. Que Dieu nous donne l'esprit qui donne des connaissances multipliées. Daniel chapitre 1er, verset 17, puis le verset 20. Ces jeunes gens étaient en train d'étudier avec tous les autres. Ils étaient dans le même auditoire. Ils avaient le même syllabus. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait les visions et les songes. Mais placez-moi les versets 20 qui est merveilleux. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient. J'aime ce que ma Bible dit. Ils les trouvaient 10 fois supérieurs. Il y avait d'un côté monsieur et madame tout le monde et de l'autre côté les enfants de Dieu. Les amis de Daniel disaient, mais nous avons étudié dans le même auditoire. Nous avons eu le même syllabus. Mais nous n'avons pas le même Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va inaugurer une saison de la différence. Je me retire à quelqu'un, dans ces cabinets d'avocats, Dieu va te distinguer. Je me retire à quelqu'un, dans cette équipe de conseillers, Dieu va te distinguer. Je me retire à quelqu'un, il y aura médecin et médecin. Parce Parce que l'Esprit de Dieu sababu roho wa Mungu qui veut faire de nous des ambassadeurs ambao anahitaji kutufanya sisi mabalozi nous distingue. Anatutofautisha. Deuxième chose, kitu cha pili, l'intelligence et la sagesse akili na hekima, tout en étant différentes ikiwa tofauti, sont nécessaires et complémentaires. Vinakuwa vya maana na vinaenezeana. L'intelligence est définie simplement akili naweza kufafanuliwa comme étant la bonne connaissance ou la connaissance profonde des choses. Kama vile kujua vizuri, ama kujua vilindini vitu. La compréhension profonde des choses. Kuelewa kilindini mambo. Seigneur, donne à quelqu'un la bonne connaissance. Bwana mpatie mtu kujua vizuri. La compréhension profonde. Na kuelewa kilindini. Mais la sagesse, lakini hekima, c'est l'intelligence appliquée. Ni ile akili ambayo inatimizwa. Est-ce que je me fais comprendre? Je ninaeleweka. L'intelligence, c'est la bonne connaissance, la connaissance profonde. Akili inakuwa ni kujua vizuri, kujua kilindini. Et la sagesse, c'est prendre ces connaissances profondes que tu as et savoir les appliquer. Na kisa hekima ni kujua ile maarifa, ile vitu unavyovijua na kisa unavitimiza. Pour que c'est l'effet dans la vie de chaque jour. Ili kwamba viwe na matokeo ndani ya maisha ya kila siku. Je voudrais dire trois vérités rapidement en ouvrant une parenthèse que je vais fermer. Ningependa niseme ukweli tatu haraka nikifungua mlango ambao nitafungua. La première vérité. Ukweli wa kwanza. Il y a une différence entre être instruit et être intelligent. Kuna kuwa utofauti kati ya kuarifiwa na kuwa na akili. Les personnes instruites n'ont qu'une accumulation de connaissances. Watu ambao wamearifiwa wanakuwa tu na ujuzi nyingi ambao wamepewa. Il fait des distinctions. Wanafanya utofauti. C'est un étudiant que les anglophones appelleront A+. Na ni mwanafunzi ambao uingereza unaita A+. Mais on peut être instruit sans être intelligent. Lakini unaweza kuwa umepewa mafundisho bila kuwa na akili. Ya pili. Il y a des personnes intelligentes mais qui ne sont pas sages. Kuna watu wenye akili lakini ambao hawana hekima. Qui ont une connaissance profonde des choses. Ambao wanakuwa na ujuzi wa kilindini wa mambo. Mais qui ne savent pas les appliquer. Lakini ambao hawajui kuyatimiza. La sagesse, c'est quand l'intelligence qu'il en a, on sait l'appliquer. Na hekima ni wakati ile ujuzi ulionayo unautimiza. Troisième chose, kitu cha tatu, c'est que intelligence et sagesse réunies. Intelligence et sagesse réunies. Akili na hekima vinapokutanishwa. Sont les top qu'un homme peut désirer. Ni vitu vya maana vikubwa sana ambao mtu anaweza kutamani. Si Dieu te donne seulement l'intelligence, je dis gloire au Seigneur. Kama Mungu anakupatia tu akili nitasema utukufu kwa Bwana. Mais s'il te donne l'intelligence et la sagesse. Lakini akikupa hekima na akili. Car le deux c'est complexe. Hapo ni mambo sawa sababu yale mbili yanakuwa yanaendelea. Placez-moi Proverbe 24. Muniwekea hapo Mithali 24. Verset 3. Mstari wake wa 5. Quand la Bible montre l'apport de chacune de ces réalités, ce que la sagesse fait, ce que l'intelligence fait. Wakati Biblia inaonyesha ni nini hekima inafanya na nini ambao akili inafanya. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ni kupitia hekima nyumba inajengwa. Mais c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Na ni kupitia akili ndipo inaimarishwa. Si tu as seulement la sagesse, la maison va s'élever, mais elle sera pas forte. Kama una hekima tu nyumba itajengwa lakini haitakuwa nguvu. Je lève encore le main ce soir. Na nyosha tena mikono jioni ya leo. Que Dieu te donne intelligence. Acha Mungu wangu akupe akili. Et qu'il te donne aussi sagesse. Na kupatie pia hekima. Que ce duo soit ton partage. Na hivi vitu mbili viwe sehemu yako. Troisième chose. Kitu cha tatu. Intelligence et sagesse. Akili na hekima. Là où elles sont présentes. Mahali ambapo viko. Elles ne sont jamais cachées. Haviwezi kufichwa. Jamais caché. Haviwezi kufichwa. Genèse chapitre 41 que nous avons lu. Mwanzo 41 tulisoma. Verset 38 à 39. Mstari wake wa 39. Même les pharaons s'est rendu compte de l'intelligence de ces prisonniers. Hata farao aligundua akili ya huyu mfungwa. Ces magiciens, ces astrologues ont atteint un seuil d'incompétence. Hawa wafumu, hawa watu wa hekima walifikia kiwango ambacho hawana tena uwezo. Quand il a relaté les deux songes qu'il avait. Alipoanza kuwaeleza. Il dit, donnez-moi l'explication, il n'arrive pas. Joseph arrive. Non seulement il donne l'explication, mais j'aime. Le pharaon devient un agent de publicité, de marketing de Joseph. C'est Joseph qui a parlé. Ma Bible a dit, il dit à ses serviteurs, ceux qui étaient incompétents, trouverions-nous un homme comme celui-ci? J'essaie de voir la tête de ces gens-là. Et il ajoute au verset 39. Parce que son intelligence est palpable. Fais-moi remonter verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Farao akamwambia Yusuf sababu Mungu amekujulisha mambo hayo. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na akili na hekima kama wewe. Ce n'est jamais caché. Haifichika make. 1 Roi chapitre 10. Wafalme wa kwanza sura 10. Verset 4. Mstari wake wa 4. Elle avait entendu par réputation de la sagesse de Salomon. Alisikia watu wakiongelea hekima ya Salomon. J'aime ce que ma Bible dit. Napenda ile ambayo Biblia inasema. 1 Roi 10 verset 3, cette dame commence à poser les questions à Salomon et elle avait dit Salomon répondit sur tout. Wafalme wa kwanza ukiangalia pale mstari wa 3 aliuliza maswali na Salomon akajibu kwa yote. Il ne cala sur rien. Na hakuweza kukosa. Salomon répondit à toutes ses questions. Salomon akajibu kwa maswali yake. Et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Na kukua kitu ambacho mfalme hakuweza kumfafanua. La Bible moi dit la reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon visible. Elle a vu cela. La Bible nasema kwamba Malkia wa Sheba akaona kwa macho hekima yote ya Salomon. Plus loin, il sera même dit elle fut hors d'elle-même. Na mbali zaidi wanasema akakuta inamfukia kipimo. Dans Daniel chapitre 5. Daniel sura 5. Verset 11 à 12. Mstari wa 11 hadi 12. Alors que des écrits ont été placés sur le mur alors que les rois étaient en plein festin. Wakati maandiko yamewekwa kwenye vibambazi mfalme alipokuwa ndani ya karamu. Personne l'explication. Avait dit le visage du roi change. La reine entend parler de cela. Elle s'introduit auprès du roi. Et dit calme-toi. Les problèmes pour lesquels ton entourage a atteint un seuil d'incompétence. Il y a quelqu'un. Seigneur, travaille en quelqu'un afin que sa réputation parle avant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parlera pour toi là où tu ne seras pas. Parce que ce qu'il a placé en toi parlera à ta place. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. J'aime la suite. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Que le Dieu qui donne des lumières te les donne. De l'intelligence. Oh, écoutez la fin. Et la sagesse semblable à la sagesse de Dieu. J'aime encore la suite. Il dit, on trouve chez lui un esprit supérieur. Que mon Dieu te donne un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. Mais écoutez la fin. La faculté d'expliquer les énigmes. Et la dernière phrase, quand je l'écrivais dans mes notes, Dieu me disait, il va l'accorder à plusieurs. C'est ce qu'il dit de Daniel, la capacité de résoudre les questions difficiles. Je suis venu dire à quelqu'un, mon Dieu te place à un niveau là où les autres atteindront un seuil d'incompétence, il te fera dépasser. Là où les gens diront impossible, s'ils sont quinois, ils diront insalamable. Dieu va les rendre salamables par toi. Si tu crois en cela, aide-moi à dire amen. Quatrième chose, intelligence, la grande. L'intelligence, la grande. La sagesse et la grande sont souvent rares. Mara inakuwa haionekane. Mais sont utiles. Lakini ina maana. Et recherchées. Na inatafutiwa. Quand vous les avez, wakati unakuwa nayo, elles vous font franchir les barrières là où les autres s'arrêtent. Vinakuvukisha mipaka mahali ambapo wengine wanasimamia. Un jeune homme avait étudié, il était arrivé au niveau de la licence. Kijana mmoja alisoma hadi bachelor. Il était aux États-Unis. Alikuwa Marekani. Son père lui a dit, na baba yake kamwambia, la licence était quelque chose de glorieux il y a 20 et 30 ans. Na bachelor inakuwa ni kitu ambacho kilikuwa kitukufu kuna miaka 20. Dans le marché du travail. Lakini ndani ya watu wanaotafuta. Les gens qui viennent, il faudra au minimum avoir un master. Siku ambazo zinakuja taomba kuwa na master. Et peut-être un PhD. Ama uwe na PhD. J'aimerais dire à quelqu'un. Na ningependa nimwambie mtu. Vu la compétitivité. Kulingana na ile Il vient un temps, nous devons avoir une intelligence hors normes. Une sagesse hors normes. À cause de l'intelligence hors normes. Joseph, sans être égyptien, est devenu premier ministre dans un pays. Sa compétence l'a imposé. Parce que s'il regarde les principes, il rentrera les compétences. J'aimerais dire à quelqu'un, les compétences t'imposeront. Et que mon Dieu te donne des compétences hors normes. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, il y a des gens dans les jours qui viennent, vous serez incontournables. Il y aura des réunions des conseils d'administration qui ne se tiendront pas parce que vous êtes absent. On connaît votre capacité, ce que vous apportez quand vous êtes là. Kambale n'est pas là. On annule la réunion. On attendra qu'il revienne. Je suis venu te dire, Dieu m'a dit, ça arrive. Daniel, durant 60 ans, il a travaillé à côté de trois rois. Il n'a presque jamais connu le chômage. Parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Que mon Dieu te l'accorde. Écoutez ce que Daniel 6, au verset 3 dit. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce monde de compétition aujourd'hui, il te faut quelque chose de supérieur. Si tu es normal, on risque de t'ignorer. Que mon Dieu puisse t'imposer. 1 Roi chapitre 10, verset 24, la Bible m'a dit, tout le monde cherchait à voir Salomon. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Cinquième chose, Dieu par son esprit, en nous rendant sages et intelligents, nous donne souvent des compétences insoupçonnées. Joseph n'était pas allé dans une école. Il n'avait pas fait la faculté d'économie, il n'avait pas connu la loi de Keynes. Mais l'Esprit de Dieu lui révèle des principes économiques. J'ai prié que ce que Dieu va te donner va au-delà des syllabus. Va au-delà de ce que l'on peut trouver dans un livre. Placez-moi 1 Chronique 28, verset 19, un passage que j'aime beaucoup. Salomon bâtira plus tard un temple glorieux, merveilleux, que l'histoire place parmi les merveilles du monde. Et durant, ce n'est pas un architecte qui a conçu cela. Écoutez ce que David dit. C'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. De tous les ouvrages de ce modèle. C'est par un écrit de sa main que Dieu m'a donné l'intelligence de ce que tu vois. Que le Dieu qui a donné l'intelligence à David te le donne. Sixième chose, je vais petit à petit vers ma conclusion. Intelligence et sagesse venant de Dieu. Fondez-vous des ambassadeurs et des dignes représentants de notre Dieu. C'est-à-dire par ce que vous produisez, vous les valorisez. Le Dieu de Joseph a été valorisé en Égypte à cause de la sagesse et l'intelligence qui sortaient par Joseph. Je prie que Dieu, qui a toujours été Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans cesser de l'être, qui devienne aussi ton Dieu, de ce que les gens verront. aanze kuwa hata Mungu wako kupitia ile ambao watu wataona ukifanya. Le Dieu de Daniel. Mungu wa Danieli. A été célébré. Alishangiliwa. À cause de la sagesse et de l'intelligence de ce jeune homme. Alisifiwa sababu ya akili. Daniel chapitre 4, placez-moi ça. Daniel sura 4 mniweke naye. Verset 46 à 47. Mstari wake wa 46 hadi 47. Il a expliqué à ses rois les songes qu'il avait eu étranges. Alifasiria mfalme ndoto ambayo alikuwa nayo, ndoto ngumu. Mon Dieu, il a eu une incompétence illimitée. Alikuwa na uwezo ambao hauna mpaka. Quand j'étais tout petit, wakati nilikuwa mdogo, à Kinshasa, il y avait des artisans, quand tu arrives là où ils travaillent, ils mettent apte à tous travaux. Kinshasa kulikuwa wafundi ambao walikuwa wanaandika tunafanya kazi yote. Et notre Dieu est apte à tous travaux. Na Mungu wetu ana uwezo wa kufanya kila kazi. Ce roi a fait un songe. Mfalme huyo alifanya ndoto. Et il a oublié. Na alisahau. Et il appelle les gens et dit. Na naita watu anawaambia. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Mniambie ile ambayo nililota. Et donnez-moi l'explication. Na kisa mnipatie na mafasiri. Écoutez ce que ces conseils disent. Sikiliza ile ambayo. Ce que les rois demandent. Ile ambayo mfalme anaomba. Ça appartient au Dieu. Hiyo ni mambo. Dis-nous les rêves. Et nous te donnerons l'explication. Il dit, vous êtes en train de gagner du temps. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Et donnez-moi l'explication. Quand Daniel arrive, il les regarde. Il est Kupamba. Il ouvre la bouche. Il parle au roi de son songe. Je prie que mon Dieu te donne une telle compétence. Et puis il donne l'explication. Et écoutez comment le roi réagit. Verset 46 et verset 47. On peut y aller? Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue nasifu, et je glorifie le roi des cieux, na mtukuza Mungu wa mbingu, mfalme wa mbingu, dont toutes les œuvres sont vraies, ambaye matendo yake yote ni kweli, et les voies justes. Na njia zake un roi païen se met à louer un Dieu qu'il ne connaît pas. Mfalme mpagani anaanza kusifu Mungu ambaye hamjui. Parce qu'un ambassadeur a dignement fait sortir des choses hors normes. Sababu mbalozi ameonyesha kabisa mambo ambayo iko juu ya kawaida. Vas-y le verset 38. Makumi tatu na nane. Plutôt remonte au verset 36 d'abord. Unaweza kupanda kwa makumi tatu na sita. Et puis prendra 37. En ce temps-là, la raison, mes rêves et la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent redonnées. Je fus rétabli. Et c'est alors qu'il déclare ces choses. Septième et avant-dernière chose. Jambo la saba na la mbele ya mwisho. C'est que la sagesse et l'intelligence. Hekima na akili. On en a besoin. Tunaihitaji. Et ça peut s'exprimer dans divers domaines. Na inaweza kuonekana ndani ya uwanja mwingi. L'intelligence. Akili. Qui est la connaissance profonde. Ambao inakuwa kujua kwa vilindini. On peut en avoir besoin pour être un bon mari. Unaweza kuhitaji ili kwamba uwe mume mzuri. Besoin pour être une bonne femme. Unaweza kuhitaji ili uwe mke mzuri. Sagesse et intelligence. Hekima na akili. On en a besoin pour être un bon parent. Unahitaji ili uwe mzazi mzuri. Dans différentes formes de parenté. Ndani aina nyingi ya uzazi. On n'élève pas un enfant unique comme on élève tout le monde. Hauwezi kumchunga mwana wa pekee kama vile unaweza kuwachunga watoto wengi. Quand tu as un fils, une fille unique, tu as besoin d'une sagesse, sinon tu vas produire un enfant gâté. Unahitaji hekima wakati una mwana wa pekee ili kwamba usizae mtoto utakumalisha mtoto ambaye hana akili. Un seul garçon qui est né parmi plusieurs filles, on l'élève pas de la même manière. Kijana moja ambaye amezaliwa miongoni mwa binti wengi hawamkomalishaki kama watu wengine. Un enfant aussi qui naît avec un handicap, on l'élève pas n'importe comment, tu risques de le brimer. Na mtoto ambaye amezaliwa na ulemavu hawezi kumkomalisha kama mtu yeyote sababu unaweza kumuumiza moyoni mwake. Je me souviens d'une famille. Nakumbuka jamaa moja. Le papa avait un enfant qui bégayait. Baba alikuwa na mtoto ambaye alikuwa anagugumiza. Et vous savez, les gens qui quelquefois bégayent pour qu'un mot sorte, il doit se donner lui-même le coup. Je n'ai aucune fa. Unajua watu ambao wanagugumiza wanajipiga piga ile kwamba waseme neno. Et nous sommes allés avec un ami visiter cette famille. Na tulienda na rafiki kutembelea jamaa. Un homme qui est à la fois psychologue mais aussi homme de Dieu. Mtu ambaye alikuwa mwanapsikolojia na alikuwa mtu wa Mungu. Il a dit ce qui bégaye, la chose qui les fait souffrir, qui les froisse, c'est quand on les aide. Na wale ambao wanakuwa kigugumiza, kitu ambacho kinawakwaza sana ni wakati unawasaidia. Quand il se bat avec son mot, laisse-le. Anapigana na ile neno yake unamwacha. Laisse-le. Sinon tu vas les détruire. Ama utamwaribu. Mais sans sagesse, lakini bila hekima, tu vas croire que tu l'aides. Utawaza na msaidia, tu le détruis. Kumbe uko na muharibu. Que des parents sans sagesse qui ont détruit des enfants. Ni watoto wazazi ngapi ambao hawana hekima. Il fait pipi beaucoup. Je n'encourage pas ça. Wazazi ngapi ambao wameharibu watoto. Il fait ou elle fait pipi. Anakojoa kitandani. Tu lui as demandé de faire quelque chose et elle a oublié et elle est en train de jouer avec ses amis et tu sors même avec les matelas. Yo! Umemtuma kitu amesahau anaanza kucheza na wengine unaondoa godoro ndani ya tumbo na mwambia oh uko nacheza ijapokuwa unakojoa kitandani usiku kama rejidezo uko nawaza kwamba unamrekebisha mon Dieu donne aussi la sagesse et l'intelligence aux parents. Acha Mungu apatie wazazi hekima na akili. Pour être un bon pasteur on a besoin de la sagesse. Ili kwamba uwe mchungaji mzuri unahitaji hekima. Et je termine avec la huitième chose. Namalizia na kitu cha nane. Intelligence et sagesse. Na akili, qui sont des choses disponibles. Ambavyo ni vitu vilivyo tayari. Pour les avoir, il faut quatre conditions. Kwa ajili ya kuvipata, inaomba shurti ine. La première, shurti ya kwanza, c'est le connaître. Inaomba kuvijua. Et connaître leur valeur. Na kujua thamani yavyo. Ce qu'on a en plus quand on les a. Ile ambao unakuwa nayo zaidi unavyokuwa navyo. Ce qu'on a en moins quand on les a pas. Na ile ambao unakosa wakati hauna navyo. J'ai toujours prié pour avoir la sagesse. Ninakuwa nikiomba kila mara ili uniwe na hekima. J'en parle avec mon chungaji Eston. Nilikuwa naongea na mchungaji Eston. Depuis deux ans et demi. Tangu miaka mbili na nusu. Avec la capacité, la possibilité que Dieu m'a donné de côtoyer certaines personnes. Pamoja na uwezo ambao Mungu amenipatia kuonana na watu. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de plus de sagesse. Que j'en avais avant. Nikaona ya kwamba ninahitaji kuwa na hekima zaidi kuliko niliyokuwa nayo mbele. Parce que les problèmes qui me sont proposés aujourd'hui peuvent avoir une incidence au-delà de ma personne. Sababu shida ambazo wananiletea inakuwa na ushawishi zaidi ya utu wangu. Connaître ces choses. Kujua mambo haya. Connaître leur valeur. Na kujua thamani yao. Deuxièmement. Ya pili. Savoir qui en est la source. Kujua ni nani ndiye kisima ama chemchemu yavyo. Et se tourner vers lui et lui seul qui en est la source. Na kumgeukia yeye mwenyewe ambaye yeye ndiye chemchemu yavyo. Parce qu'on ne peut pas avoir ces choses sans être en relation avec celui qui en est la source. Sababu hawezi kupata mambo haya bila kuwa ndani ya uhusiano ya yule ambaye ni chemchemu yavyo. Troisième condition. Shurti ya tatu. Pour avoir ces deux choses qui font nous des ambassadeurs. Kwa kupata hivi vitu ambavyo vinacha tunakuwa wabalozi. Avoir conscience de la quantité et de la qualité que l'on a. Kuwa na zamiri ya ile ambao uko nayo, kipimo ya ile ambao uko nayo. Tout à l'heure alors qu'on sera en train de prier chorale, levez-vous déjà, je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort. Wakati huu ambao tunatafuta kuomba kwa yeye wanaweza kusimama. Préparez-moi ce merveilleux cantique de groupe Gael Molimo Kita. Na munitarishie wimbo ya kundi Gael Molimo Kita. Avoir conscience. Kukuwa na zamiri. Soit je n'en ai pas. Ama ninakuwa nayo. Ou je n'en ai pas suffisamment. Ama sina ya kutosha. Ne peut le solliciter que celui qui s'arrête qui dit je n'en ai pas. Anaweza kuiomba ule ambaye anasimama na anasema sina. Ou je n'en ai pas suffisamment. Ama ile ambayo niko nayo haitoshi. Salomon quand il est devenu roi. Salomon il avait conscience qu'il n'en avait pas suffisamment. Alikuwa na zamiri ya kwamba hana ya kutosha. Tu m'as fait régner sur un peuple nombreux. Mais je ne suis pas expérimenté. Je ne suis qu'un jeune homme. Quatrième et dernière condition. Demandez à celui qui en est la source. Placez-moi Jacques chapitre 1er. Verset 5. Alors que nous tous nous levons. Je vais lire ce passage. Et nous allons prendre ces quelques minutes. 12 minutes. 12 minutes. Nous allons nous plonger devant Dieu. Quelqu'un dira, Seigneur, fais de moi un ambassadeur. Comme tu l'as fait avec Salomon. Comme tu l'as fait avec Joseph. Comme tu l'as fait avec Daniel. Chaque un, verset 5. L'apôtre dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Manque de sagesse. Qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Là, il est parlé de sagesse, je pense parler d'intelligence. Donne-moi quelqu'un qui dit comme parent, je n'ai pas la sagesse qu'il faut. Tu m'as donné une méga église, j'ai besoin d'une sagesse attachée à cela. J'étais un simple directeur, tu as fait de moi un DG. Donne-moi les aptitudes qu'il faut. Durant ces 11 minutes qui restent, alors que ce merveilleux cantique nous accompagne, prends la position qui te semble bonne. Assis, décroche-nous. Si tu veux te coucher, Mais l'Esprit de Dieu m'a promis d'être au rendez-vous. Il va saisir plusieurs. Et là, Masia, l'ami Théma. Alléluia! Olé Nanchambé, Olé Nanchambé. J'entends quelqu'un dire, j'en ai assez d'être moyen, j'en ai assez d'être normal. Amène-moi plus haut. Est-ce qu'on peut les réchauffer encore? Polimo qui t'a conseillé. Polimo qui t'a. Etola Masia, Etola Masia, Namitema, Yabatan, Yabatatu, Ole Nanchambe, Ole Nanchambe, Regista. Seigneur, même en tant que pasteur, prédicateur, donne-moi quelque chose en plus. Alors disons-lui, Mais je t'ai couché tout à l'heure ici. L'Esprit de Dieu a fait deux choses en moi. La première, il m'a dit deux choses. J'entendais précurseur, pionnier. Les précurseurs sont ceux qui vont en premier dans une direction. Les pionniers sont ceux qui vont dans une direction où personne n'est allé avant. L'Esprit de Dieu me dit, il inaugure une saison de précurseurs, de pionniers. Il va vous inspirer dans le domaine des affaires, dans je ne sais quel autre domaine, l'entrepreneuriat, des choses que jamais personne d'autre n'a fait ici à Goma. Et la deuxième chose, j'entendais ces merveilleux cantiques en Kilubakat, qui veut simplement dire, Saint-Esprit, c'est ton heure. Fais ce que tu veux faire. Venga, Senga, Wachi. Wow! Saint-Esprit, c'est ton heure, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ta saison. Monter cette prière en langue. Sandada bashe, si da da da bashe, si kada da da bashe, si ta da da da dashe, si kada da da da da, ri kada da da da, ri abosh, si dosh, ceci des ambassadeurs, des dignes représentants. qui démontre ton intelligence, ta sagesse illimitée. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. La non non non non marchez. La non non non non marchez. La saison de l'ordinaire est finie. La saison de l'ordinaire est finie. C'est la saison de l'extraordinaire. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Sois rempli. Sois rempli. Sois saisi. Sois rempli. Sois saisi. Sois rempli. Levons simplement nos mains. Faisons silence. Le Saint-Esprit est en train de passer dans les rangs. Il saisit. Il est rempli. Il est transforme. Reçois ses manteaux. Reçois ses revêtements. Reçois ce manteau. Reçois cette dimension nouvelle. Comme papa le disait, l'eau ne sera plus à la cheville, ni aux genoux, et encore moins à la taille. Ça va te remplir. J'ai aimé ce qu'il a dit. Ça commencera à t'entraîner où tu ne veux pas. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension de la couture. Reçois cette dimension de la couture. Reçois cette dimension de la couture. Que mon Dieu t'inspire des modèles qui n'ont jamais existé. Reçois cette dimension dans le domaine informatique. Reçois cette dimension dans les affaires. Reçois cette dimension même dans le ministère. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, certains les reçoivent dans les sports. Il y a un jeune homme ici, tu vas exceller dans les basketballs. Dieu me dit, tu finiras même à la NBA. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cette dimension. Alors que je vais lâcher le micro. C'est tellement clair dans mon esprit. Je veux qu'on passe à Stone qui s'avance devant un bâtiment qu'on veut inaugurer. On coupe en général les rubans pour dire on a inauguré. Dieu m'a dit qu'il monte ici. Il ne va pas prier. Il va déclarer. Il va décréter des choses dans la vie des enfants que Dieu lui a donné. Il va décréter. C'était une saison d'excellence, une saison de brillance, une saison, je l'ai dit comme vous l'avez dit mieux, de jaillissement, les choses cachées vont sortir, une intelligence non soupçonnée va jaillir, des compétences jamais soupçonnées vont jaillir. Levons simplement nos mains. Papa vient. Nous prions le Seigneur. Lève bien les mains comme celui qui reçoit. Père céleste, Baba Wambingu, au troisième mois de l'année de nos jaillissements divins, tu as libéré ta parole et tu as révélé que nous sommes ambassadeurs dans cette génération, à commençant par ici, jusque dans les nations et aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es intègre dans ce que tu dis. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Et tu as prévu que tu accompliras les paroles de ton serviteur et confirmeras ce que prédisent tes envoyés. Je me tiens devant ton trône en faveur de ce peuple et tous ceux qui nous suivent au loin et tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que tu les appelleras dans cette famille pour proclamer sagesse, hekima, intelligence, akili, conseil, shauri, force, ngufu, crainte de l'Éternel, buana, seigneurie, buana, les sept esprits de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, si chacun de ceux-ci reçoit cela, dans le nom de Jésus, je déclare que la sagesse, l'intelligence te sont données. Tu te lèveras et tu opéreras dans la dimension de Joseph, dans la dimension de Daniel, dans la dimension de Salomon, sauf ses bavures. Au nom de Jésus de Nazareth, tu opéreras dans ta profession, tu opéreras dans ton domaine, dans le ministère, dans la mission, dans la profession séculière, dans la dimension de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, du conseil et de la crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu t'ajoutera la septième capacité de l'esprit, la seigneurie. Tu opéreras avec autorité. Les genoux fléchiront devant toi. Car le Christ, devant qui tout genou fléchit, habite en toi et te remplit de son esprit. Je déclare que tu es revêtu de son autorité. Le monde des ténèbres te respectera. À partir de maintenant, le diable te respectera. Les esprits vont te respecter. À partir de maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, ils s'inclineront. Les rois se lèveront et s'inclineront à ton avancée. Les circonstances de la part de l'Éternel vont se dresser pour te donner le passage. Les circonstances adverses vont s'incliner et seront écrasées par le cabot de divin. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu s'attache sur ton front. La gloire de Dieu te donne du poids dans ta destinée de telle manière que toutes choses concourront à ton bien. Toutes choses s'inscriront à ton service. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir de maintenant, deviens lumière des nations. Deviens porteur de salut aux extrémités de la terre. Tu es bâti fort pour la mission dans quelques domaines où Dieu t'a placé. Tu es bâti pour la mission. Lève-toi et va dans la mission là où Dieu t'a placé. Lève-toi et va au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Sauveur, du fait que tu charges chacun de nous d'une mission, je te prie d'assumer tes engagements envers chacun de ceux-ci, qu'il ne manque de rien, que la maladie s'éloigne d'eux, que le méchant les craigne. Quiconque vous attaquera tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, ils viendront contre toi par un seul chemin et fuiront par ce chemin. Ils te verront et s'inclineront au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Reçois cela et tu le deviens par la vertu et l'intégrité de Dieu qui marche derrière sa parole pour l'accomplir. Et acclame le Seigneur parce que cela est à toi. Cela est à toi et tu le verras s'accomplir à partir de ce soir. Tu le vis et tu le vivras de manière permanente, de manière permanente, par la vertu du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Toi, lève-toi et va au